J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. La grande joie du père Duchesne, janvier 1794. Si je n'ai pas encore parlé du fameux décret, ces Noirs devenus libres en seront-ils moins industrieux? Deviendront-ils impotents quand ils travailleront pour eux? Croit-on que la liberté humaine soit moins puissante pour leur donner du cœur à l'ouvrage que les fouets et les bâtons sous lesquels on les fait expirer? Non, foutre, le nègre devenu libre et propriétaire deviendra plus industrieux, plus actif. Ce ne sera plus pour un maître barbare qu'il arrosera la terre de ses sueurs et de ses larmes. Ses enfants lui appartiendront. Ils lui feront chérir la vie. En échange du sucre et des autres denrées qu'il aura cultivées, nous troquerons avec lui nos étoffes et les productions de notre sol. Alors, nous ferons avec lui des traités d'alliance et de commerce. Heureux, foutre, si le blanc républicain peut un jour, par sa bonne foi et sa justice, faire oublier à l'homme noir tous les maux que ses pères lui ont fait endurer. Ah, quel beau jour, foutre, que celui où on a vu un brave Africain et un mulâtre prendre séance à la Convention. Un temps viendra, je l'espère, où tous les peuples de la terre, après avoir exterminé leurs tyrans, ne formeront qu'une seule famille de frères. Peut-être un jour verra-t-on des Turcs, des Russes, des Français, des Anglais, des Allemands réunis dans le même Sénat et composer une grande convention de toutes les nations de l'Europe. C'est un beau rêve qui cependant peut se réaliser. Je ne crois pas cependant, comme le poète Anacharsis, que nous devions faire les Don Quichotte et entreprendre une croisade universelle pour convertir à la liberté ceux qui ne sont pas encore dignes de la connaître. C'est au temps et à la raison de faire un pareil miracle. Commençons à établir chez nous cette liberté. Lorsque les autres nations verront les fruits qu'elle aura produits, lorsque sous des lois sages nous serons tous heureux, alors les hommes qui ont un peu de sang dans les veines chercheront à nous imiter et nous donneront un coup d'épaule à ceux qui voudront sortir de l'esclavage. Un événement aussi heureux, foutre, que celui qui anéantit jusqu'à la dernière trace d'esclavage en France devait être célébré par les sans-culottes. La Commune de Paris, qui la première a levé le drapeau de la liberté, vient de rendre hommage à la raison de ce nouveau triomphe. J'aurais voulu, foutre, que la France entière eût assisté à la fête républicaine qui a eu lieu, décadie dernier, en réjouissance de l'abolition de l'esclavage des nègres. Jamais, foutre, les voûtes de la ci-devant cathédrale ne retentirent d'un pareil tédéum. Tous les bons sans-culottes, les sociétés populaires, les autorités constituées environnaient l'autel de la raison. Une députation de la Convention vint aussi lui offrir l'encens des représentants du peuple. Tous les regards étaient fixés sur les trois montagnards américains. Alors, foutre, je me suis rappelé l'histoire ou le roman du sans-culotte Jésus, en contemplant auprès de la statue de la liberté ces trois braves lurons qui viennent du bout du monde rendre hommage à la divinité des hommes libres. J'ai cru voir les trois mages qui visitaient dans son berceau le prétendu fils du patron des cocus. Mais, foutre, ce n'est pas une étoile qui leur a servi de chandelle, mais c'est le flambeau de la vérité qui les a conduits. Ce n'est pas un dieu mangeant de la bouillie qu'ils viennent adorer, mais c'est la divinité éternelle, c'est la raison. »